Et dans les sermons Israël et l'Église, cinquième partie, nous aussi appelé Israël dans sa patrie. Le 29 mars 1954, nous avons le paragraphe que nous avons lu jeudi, le service d'adoration, en guise d'exhortation. Mais je vais relire ceci, parce que ceci nous sommes exhortés, on a dit, pour faire un vainqueur. Vous vous rappelez encore? Et pour vous les Dominicains, vous pensez qu'à Dieu que le dimanche, Dominicain, donc cette vieille influence de l'Église catholique, on ne rate pas le culte le dimanche. On ne rate pas la messe le dimanche. Ça veut dire en d'autres termes, on peut rater la messe de la semaine. Mais celle de dimanche, vraiment, il ne faut pas rater. C'est une mentalité catholique. Dans laquelle certains hommes et femmes ici sont. Dans la Bible, il est écrit, ils étaient chaque jour assidus au temple. C'est un pour les Dominicains. Vous qui n'êtes venus à l'église aujourd'hui dimanche, je veux qu'on est ensemble dimanche pendant. Je veux entendre votre amen ici. Pas tout le monde. Vous venez du depuis dimanche passé. Toute la semaine, awa, mercredi, au moment jeudi, et le côté. Vendredi, n'en parlons pas. Vous voyez, il aller là. Dans l'église, il faut que je le mentalité, il faut changer. Bon, le basse-côte. Cette mentalité doit changer. C'est le bon bonheur. Et comme il y a le monde, quoi? Amen, tout le monde a pété. Et comme il y a le monde, quoi? Vous voyez, baba? Non, quelqu'un a dit amen. Cette mentalité dominicaine doit changer. Vous qui étiez la semaine, gardez votre calme, monsieur. Ceci doit atteindre les dominicains. La femme de l'IA dimanche. Aux Alakiawa, depuis dimanche passé, au moment où il se trouve à ah, Motunanga Impangi. Tu sais comment tu as dit, tout le monde sait que Jésus n'a pas eu. Nous connaissons ça quand Yahweh s'est mis à chair à terre, nous avons le connaître. Nous avons la paix. Voilà, programme là. Vous faites ce que vous dimanche dans ton comme un catholique. Ah, les deux dimanche, c'est une église. Le bâtiment qu'on amène, cette mentalité doit changer. Vous voyez, Bango? Cette mentalité doit changer. Église, vous voyez, Bango? Même amène la Bango, ils ont mali. Ça veut dire, dans bien des cas, manque de réveil. Quand on n'a pas le réveil dans sa vie, le réveil spirituel, alors on devient formaliste. On entre dans la routine. Or, vendredi de la semaine passée. Aujourd'hui, semaine écoulée. Nous sommes déjà une nouvelle semaine. Vendredi de cette semaine-là. Hein? Nous avons cassé la routine. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas la routine de l'église. Nous voulons le réveil de la foi. Ma soeur, réveille-toi. Qui dominicain et coco dit solo la thé. Na bongo ko kangama na ki dominicain te. Être dominicain, c'est être le pasteur d'évangile. Nous serons tous dominicains alors. Commencez par moi-même le prédicateur. Je peux faire autre chose en semaine et ne venir à l'église que dimanche. Mais si Paul a dit, soyez tous mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ, alors imitons notre prédicateur. En bien. Il est là à chaque culte, soit il là à chaque culte. Est-ce que Awa et Zali Kamokopona Bilongi? Poni Bilongi, Tolobi vérité. Tolobi c'est vérité. Et nous devons servir Dieu Et il y a une promesse de Dieu attachée à ça. D'être assidu au culte, hein. Dans Exode. Dieu a dit cela. Vous rendrez votre culte à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu fera? Et voilà pourquoi certains ratent certaines choses et vous avez des fois des maladies qui ne finissent pas dans votre maison. Bana kaka ku bela et comme système alikele mbarakata na. Wo la tingi wo ezi wo ya tingi wo ezi. Zala asidi na lo sambo. Exode 23. Vous rendrez votre culte à l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mais parmi ma solution, pour la solution, le sang, on a le sang. Amen. Dieu dit, je veux que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères à tous les gars. Et que prospère l'état de ton âme. Mais ton âme va prospérer comment quand tu es inébranlé au culte. Système à délestage dans le sang. Que tu as voté à l'église, que ton église a voté pour les mêmes frères que toi tu choisis pour aller faire la lessive. Il est bien, je suis venu à la Tiawa, Babouton est parti que quoi, il n'a pas été là. Je vais continuer à prêcher. Nous sommes comme ton monsieur, le Babouton est allé. Nous avons la vérité. On est au cul. Je vais continuer à prêcher, même avec la chemise déchirée. Attends, si c'est parti, tu n'as pas été là. Pourquoi tu n'as pas été là? Non, non, mon imam a été là. Il y a un monsieur, il y a un monsieur, il y a un il y a salité. Moule béti. Vous savez ce qui s'est passé? J'avais fermé la Bible ici. Na kangi Bible. Na bombe yango na samabaya. Prédication que vous avez dit. Mboule zono que la Bible. Awa na itelu. Vous avez assisté à quelques zones. Un image de tel gros. Kuna lomine koutou, kuna bakoutou. Naki pendant kuna lomine. Batou et koti mai. Si na oube sabatouro awa na zoka mai zota makele. Bok, bok. Naka sabakou. Hein? J'ai dit Satan na koyoka yote. Oh mai kuna itoni. Oh, ça va te faire un peu Gordonné à Zalé à Koukanga. Amen. Hein? Nous, on est ici, c'est ma photo. Gordonné à Zalé à Koukanga. Mais si vous avez dans sa bénin. Amen. Côté, ça va pas toi, Nathie, les loups, Zali. Amen. Dieu prend soin, hein? Non, mais va-t-il là. Soit des pieds des enfants d'Israël au désert. Va-t-il là, qui va installer les loups, Zali. Ça va pas toi, Nathie, les loups, mais là, ça va, Zali. Et l'eau que l'amboule, non, c'est tout le monde. Et que l'on a coordonné les zonga. Qui m'ont dit que ça l'a mis. Yo, les gens comme un système à poto. Oh, gai, me paye n'azame. N'a pas plein de n'angoua. Pour nous embêter, bino. Oh, comment me paye n'azame. Pour nous m'aiboye. Nous tout le monde a dit non, monité. Assume, n'a pas fait la société africa. Kalamate, ya, ya, bato, moussou. Bon, autant que pour la nuit, on est vrai que bon, bino. Et pour les bonnes zambées. Je n'ai pas vous embêter, vous. Aïe, n'a pas fait la société. Je dois persévérer. Amen. Amen. Nous voulons servir Christ avec un esprit de sacrifice. Lui-même a servi en donnant l'exemple. L'autre de deux modèles. Voyez, la solution, il y a qu'un ensemble régulièrement. Amen, amen, c'est vrai, amen. Dans l'air détresse, il priait à l'Éternel. Amen. Même à ta nassidie, à ta nambeto, y'a qu'à pas de maillot au bon bon. Pour socialiser tes amis. Qu'on s'en met le salaire, y'a qu'à pas de yes, comme on a eu. Amen. Amen. Ne vous souvenez-vous pas de la Bible, on avait amené quelqu'un dans une corbeille. La Bible, il y a qui vous voulez mettre dans la bonne de l'autre. Ah, comme la présence à Zambé. Vous venez pour la prière, mais... Le corps m'a trouvé la guébelée, ils ont repêché la corbeille là, par-dessus. Bah, quand il s'y a un assigna, bah, parachute, mais vous voulez un parachute, mais vous venez. N'a qu'à Zambé, au chaos. Jésus a pris la foi, et il a agi immédiatement. Il est le même jusqu'à présent. Plus d'une fois, il y a des témoignages ici. Vous les cantez la moto, la carte de prédication. Et ce sont les partis. La pandémie, c'est aussi pour le temps. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est venu à l'homme. Un jour, moi-même, j'étais KO. Mais j'étais prédicateur programmé à la chair, à l'église de Matadi. KO. N'a débrouillé, boitant presque. Alors, le pasteur de l'église était à cette époque, pasteur Gauthier. J'étais le seul prédicateur prévu et présent dans la salle. Malade, j'avais une douleur vive, telle une flèche postée. Essaye de bouger. Mal à point. Oui, sœur, pas de changement. Pas de changement. Je pars à l'église. On m'a demandé dans cet état. J'ai dit oui. Ah, on m'a regardé des fois. Je suis entré dans la voiture familiale ce jour-là. Malade. Qui fait la place derrière là. Je suis entré à l'église en forçant. Je suis allé m'asseoir au fond du couloir, il y avait une chaise là. Alors l'assemblée chantait. Ça ne semblait pas faire des effets. Vers la fin des chants. Alors, le compatissant Jésus a dit, il y a une puissance qui est descendue. Poussez un cri, un alléluia. Fouf, un char rétapé. Instantanément. Au fond du couloir. Un char restapé. Un char de guerre. L'ennemi s'est enfui en quelques secondes. Le frère qui présidait venu me dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est fini. Passez-moi la chair. Il fallait que je déchaîne ma colère contre le diable. Il fallait tout ça, ça y est. Et c'était un culte glorieux. L'onction est descendue. La joie était dans la salle. Nous avons jubilé. Le pasteur devait recevoir le rapport. Et tout était bien là-bas. Moi, nous en a eu à la somme. Voyez ça? Moi, nous en a eu à la somme. Et le pasteur était heureux. Et là, il pouvait prononcer son séjour calmement. Dieu est au contrôle. Vous l'aimez comme ça? Il y a caca le sambo, au kobika. Amen, amen, amen. Dieu a dit, j'éloignerai la maladie du millier de toi. Esprit est malade, ou la maladie, mais vous êtes là? Combien de maladies nous sommes appelés à être combattants? Et pour être efficace au fort, nous avons besoin de la bonne santé. Sois guéri de tes maux. Et qui malade, nous sommes là. Il a dit. Il a dit, vous rendrez votre culte à l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain. Attends, il s'en mouquait. On va faire un mamouke au Tony. On s'en va pas mourir. Moussou Saké, vous tombez à ma mère, parce qu'on a encore une fois d'assouké la bana, ma pauvre somme à ma mère. À ton d'agaté. Pour pas moi mité. Y'a eu attaque à mouké, ni pas mouké d'agaté. Il bénira votre père à vous. Il bénira vos os. Maman, il y a une comédie. Oh, tu fais une maladie de mes sales. Je peux la mort de mettre le solo à l'aise. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, parce que des fois il y a des bandeurs qui sont très sales. Azoteka, yewana se mouche, ariko simba le sous-soi, ba mikata azoteka. Yo yo somba sans le savoir, monsieur kwe na mabele, ba azoteka na yo. Po a boy fer, voyez ça? Oui. Mais Dieu bénira vos ombres. Il bénira votre pain, même si les mousse contaminé, c'était posé dessus. Mais ils avaient meilleure santé que les autres. Ils prenaient du vin et des viandes de la table du roi. Quand tu es fidèle envers Dieu, il bénit tout ce que toi tu utilises. Yayo lipa et pambouami. Yayo maï et pambouami. Malade et longue na yo et longue. Amen. Amen. On voit que Benga n'a pas d'autorité. En s'en parlant de la promesse que Dieu t'a donnée. Verset 26. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de tes jours. Avons-nous une femme stérile au tabernacle? Vous allez la masse de combat. Avons-nous une femme qui avorte? Vous allez la masse de combat. Dites-vous la vérité. Tout le monde solo. Avons-nous une femme qui avorte? Non. Une femme stérile? Non. Sauf à Zalab et Bayaro. Sauf à Benjamin et Manakakawa. Sur le bas de la parole. En direct, Kagasuko. Il faut témoigner. Amen. Que notre Dieu vit. Il baisse sa parole. Pourtant, il y a des mots de mon côté. Il n'y en a pas parce que notre Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole. Écoutez encore une promesse. Oui, ma tabisse, hein. Dans le verset 25 et 26. N'appréciez ma tabisse, cadeau. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Yo tambola, zamba kotina somba na ile bosona yo. Olie yo banga ba demo, banguna, bangone ba kubanga yo. Oninga ni boye, alinga sani. Olingo ba, baba, qu'est-ce qu'il veut dire? Nalo banini, bangone ba osirve yo. Parce que le Tout-Puissant t'environne. Son bouclier est sur toi. Sa protection agit puissamment. Sa fidélité est un bouclier. Envers chaque promesse qu'il t'a faite. J'enverrai ma terre devant toi. Et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Amen. Vous aimez Dieu? Et mon Dieu. Alors quand nous devons aller affronter la mort, la mort elle-même doit reculer. Face à toi, elle doit rencontrer ce qui n'est pas habituel. Amen. Quand la mort s'amènera avec les tourments innombrables, que le regard de bien reconnaît que c'est toi un croyant de Dieu, une croyante, une combattante de la foi, c'est pas lui. Là, intouchable. La mort doit reculer. Parce que Jésus a dit, celui qui dit et croit à moi, il mourra point. Les effets de la mort et des séjours de mort, loin de toi. Ici, dans Iskaïel et l'église, j'avais dit cinquième partie. Comme Dieu se meurt dans la prière. Alors une chose, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Parce qu'il touche au cas par cas. A qui peut faire canayo? Amen. A salé qui peut nayo? Amen. A l'obi peut oye salé liyo? Li, fani nayo fe tonda. Yo kobande ko liya. Il a dit au paragraphe 124. Je veux venir en héros. Je veux venir en héros. Je veux venir comme Paul d'autrefois. En disant cette seule chose. Je le connais dans sa puissance de résurrection. Veux-tu aussi ça? Je le connais dans sa puissance de résurrection. Non pas par le fait de serrer la main d'un prédicateur. Non pas en inscrivant mon nom dans le registre d'une église. Et par quelques gouttes d'eau aspergées sur ma tête. Je veux plus que ça. Les formes et la, les apparences, les routines des églises. Je veux le connaître dans sa puissance de résurrection. Afin que lorsqu'il appellera mon nom, je sorte d'entre les morts. Veux-tu ça vraiment? Afin que lorsqu'il appellera mon nom, je sorte d'entre les morts. Oh Dieu, puisse cela être le désir de chaque cœur ici. Je veux que ce soit aussi ton désir de venir en héros. De dire comme Paul d'autrefois, je le connais dans sa puissance de résurrection. Puissance qui lui était révélée. Quand Jésus-Christ a pu parler dans Jean 10, quand la puissance de résurrection lui était révélée, lui était garantie. Et cela était donné en réponse à ses prières. On n'a pas eu le temps de parler de ces prières-là. Et nous y reviendrons Dieu voulant. En semaine, et bienvenue les gars. Bienvenue que nous fallions créer ça. Regardez dans Jean chapitre 10. Le verset 17 et 18. Le Père même. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Moi aussi, disciple de Jésus-Christ, il faut que tu en arrives à cette évidence de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Ça doit être évident. Le cœur même. Pourquoi? Parce que je donne ma vie. Afin de la reprendre. Jésus-Christ lui-même n'espérait pas en Dieu son Père. Avant ça, je vais à terrestre. Il menait. Parce qu'il savait que cette vie terrestre, il éliminait pendant ce séjour sur terre. Cette vie-là avait un début et devait avoir une fin. Mais son espérance en Dieu son Père n'était pas bornée que dans les limites de sa vie terrestre. Son espérance en Dieu son Père traversait les frontières de la vie terrestre. Et il dit que mon Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Je ne la donne pas pour le monde. Je n'accepte pas de mourir pour les techniques. Je meurs pour un temps. Et je revivrai éternellement. Ça, ça lui était révélé. Et comment il a accédé à cette révélation? Suite à des prières et des supplications adressées à celui qui pouvait le sauver de la mort. Suite à ces prières-là, le Père l'a exaucé à cause de sa piété. Dit la Bible dans Hébreux 5 que nous avons lu. Pensez-y un moment, mes amis. Et dit, on va se dire c'est ici, Jean, chapitre 10. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'offre. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Un pouvoir reconnu. Et qu'il a voulu délibérément exercer. Un pouvoir reçu. Il a voulu délibérément manifester. Le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. L'ordre est venu d'en haut. Et nous aussi, comme on ne fait qu'introduire, nous devons les dire, il faut prier pour la résurrection. Ça doit figurer dans nos sujets de prière. Pour que ce jour-là, quand on sera appelé, pour mais avant d'y arriver, il faut que cela te soit révélé. Dans le sermon Jéhovah Jireh, prêché le 17 novembre 2005, je prends le paragraphe 52, Jéhovah Jireh, c'est une prière, un extrait d'une prière du prophète William Branham. Et chaque homme et femme âgé ce soir, alors qu'ils vont quitter cette salle, ou plutôt cette tente, comme tu as quitté ta tente, un vieil homme qui devait être changé en un jeune homme, une vieille femme qui devait être changée en une femme. Voici Abonono Sangla comme elle est. À l'exemple de toi, Jésus-Christ. Oh Dieu, révèle qu'un jour, nous allons quitter cette tente. Il faut que cela te soit révélé à toi. Et Branham a prié aussi pour toi. Pour que tu suives les traces de Jésus-Christ, le divin modèle. Oh Dieu, révèle qu'un jour, nous allons quitter cette tente, cette demeure, le tabernacle de notre humiliation. Et nous serons changés. Nous allons entrer dans un autre pays où il y a la pureté. Il prie que Dieu révèle cela. Tu peux en entendre parler dans la prédication. Mais quand cela n'était pas révélé, il n'en sera jamais convaincu. Et elle n'est pas non plus concerné. Ce sera des discours que tu entends et dont le sens te dépasse. Nous prions que Dieu révèle cela. Toi frère, qu'il te révèle ça. Et toi frère, que Dieu révèle ça. Pour que tu en sois convaincu pour en être concerné. Nous prions. Il y a des choses qu'on n'aura même plus besoin de te rappeler. Oh, de parler contre les Dominicains. Totalement dépassé pour nous. Car la vie de culte quotidien aura trouvé place en toi. Ça deviendra ta vie automatique. Chaque jour qu'il y a culte, c'est chaque jour que tu es à l'église. Ça devient ta vie. Et quand tu rates ne fût-ce qu'un culte, mais te voilà tout malheureux. Te voilà dépaysé. À contacter tes frères. Pour savoir qu'est-ce qui a été prêché. Qu'est-ce qui a été communiqué. Quand cette révélation te parvient, on ne force pas la vie chrétienne. C'est une vie automatique qui s'opère par la parole que nous recevons. Oh Dieu, révèle qu'un jour, nous allons quitter cette tente. Parce que ce n'est pas que dans cette vie que nous espérons. Notre espérance en Dieu va au-delà des frontières de la misère. Et quand nous aurons quitté cette tente, notre voyage de vie continuera. Tout allègrement. Tout allègrement. Révèle qu'un jour, nous allons quitter ce temps, cette demeure, le tabernacle de notre humiliation. Et nous serons changés, nous allons entrer dans un autre pays où il y a la pureté. Et lorsque nos pieds fleuront pour la première fois ce pays béni, lorsque le vieux bâton de Sion donnera l'accostage, hein, vous qui avez fréquenté les pieds pour Dieu, vous avez des grands points. Voyez quand le grand bateau doit accoster. Il y a un klaxon exceptionnel. Qui est un peu proche de celui d'un train. Et hop, oh! Et ça sonne très loin. Là, tous les accosteurs salir, pour accueillir les chariots. Les grues et les chariots et tout, alors quand le vieux bateau de Sion va accostage, c'est qu'un vainqueur doit entrer là-bas. La mort recule. Les effets de tourment reculent. Les anges d'enfer reculent. Ah là, c'est un vainqueur qui doit traverser. Et il y aura un grand klaxon. Un vainqueur est entré. Et le vainqueur qui sont précédés acclame. Allons, il y a quelqu'un qui nous est venu à la couverture. Il y a un petit précieux frère. Il y a un petit précieux frère. Il y a un petit précieux frère. Ici, il faut mieux que là-bas tout de suite. Quel est bon pays. Un pays béni. Frère Branham se trouve là-bas. Frère Paul se trouve là-bas. Frère Stéphane Etienne se trouve là-bas. Frère Stéphane est venu là. Peuple! Encore un racheté qui a traversé les journées de la mort. Personne, l'accostage du bateau de Sion. Il vient déposer un nouveau vainqueur. Qui en a fini avec la vie terrestre. Et le corps corruptible. Et le corps mortel. Il entre dans le pays béni. Peuple! Tous les séjours sont alertés. Même ceux qui voulaient un peu là, qui est entré maintenant? David Kibangu Kalala. Ah, les combattants, ils sont arrivés. Oh, on a eu de ces secours, hein? Mais voilà! Tout le monde vient pour découvrir. Où est David? Mais voilà! Mais voilà! Mais voilà! Où sont maintenant tu es en bas. Quand ton tour arrivera. Comme les jeunes hommes riches. Les cultes de routines ici et de et les cultes de grands jours. Mais il était en proie au tourment là-bas. Aucun bateau. Vous voyez le cri, les guibres, hein? Vous voyez, Kumbanga, oui, la mala. Kumbanga, la mala, pinza, et passe. Et ce sont les acclamations. Il y a un pinceur qui est. On va découvrir bien sûr les visages. Longi, ça fait beau là-bas, hein? C'est un pays réel qui dit. Le premier m'a dit les gens qui sont là-bas. L'air est dans le pied blanche. Il n'y a aucune passe dans ce Christ pour donner un peu de blancheur aux dames. Alors oui, les amis, il faut que les lumières ne les yeux voient. Parfaitement bien. Les chemins de soeur vont jusqu'ici. L'air est juste pour plus que chez lui. Un son naturel. Tous. L'un des combattants ici a reçu cette révélation. Le bien des autres frères Simon Toutondele. Vous rappelez ici, avant de traverser, il a mis sa vie en ordre. Je suis témoin. Il va faire rapport jour après jour. Et Dieu a permis que même des gens d'avec qui il était séparé depuis des années, mais avec qui il devait réparer des choses, nous avons prié et Dieu a exaucé. Il est sorti en contact. Tout a été réparé. Et il a témoigné ici, dans ce pays-là, il y avait que l'amour. Il y avait que l'amour. Et vous savez, au moment où nous prions dans les derniers moments, nous les réclamons ici. Vous savez la vision que Dieu avait donnée. Donc il se trouvait sur un pont. Il devait traverser de l'autre côté. Mais le cri du peuple de Dieu auquel il a pensé. On sait qu'il a avancé là. Mais il commence à regarder derrière. Comme s'il doit rentrer. Mais il regarde là-bas. Il n'est plus intéressé là-bas. Et il doit rentrer. La vision s'arrête. Nous l'avons mis en difficulté. Alors nous devrions accepter qu'il parte. Que Dieu nous les garde là-bas. Il devait nous manquer, oui. Mais là c'est un vainqueur qui est sorti. À un moment, l'Église devait accepter la réalité. Et comme Dieu fait des choses, hein, il savait que j'allais en souffrir, alors il a permis que je n'arrive pas là. Il a permis que la nouvelle me vienne en route. Quand j'ai pris le transport pour y aller, j'étais ici en train de longer le camp Kabila. Je me disais, j'ai vu le signe, Seigneur, il est possible qu'on le ramène. Honnêtement, j'ai besoin de lui. Honnêtement, j'ai encore besoin de lui. Mais, que ta volonté soit faite. Tu as déjà montré, il a mis la voix en ordre. Honnêtement, j'ai encore besoin de son frère. Pour être honnête, avec toi, Dieu. Je vais prier, quelle que soit la situation, il me dit. Vous savez quoi? J'étais ici en train de traverser le camp, Kabila. Le téléphone sonne. Dieu a permis que je sois en téléphone. Le frère Jean Toumba en ligne. Oh, pasteur, dis quoi? J'ai dit quoi? Pasteur, frère Simon n'est plus. C'est dur, hein? Comme des fois on doit affronter ça ici. Mais ça va. Ça y est. Alors j'ai géré mes larmes là. Qu'est-ce que je vais faire? On est en train de faire quoi? Bon, je vais y arriver comme si je suis le chien. On arrive. Les agents de la morgue là. Ici comme tout. Ils n'ont même pas voulu qu'on accède au corps. Ah! Bon, il faut comprendre que Dieu a accompli sa volonté. Il est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand il dit stop, c'est stop. Toute langue doit se soumettre. C'est le vieux bateau de Sion qui va venir. Là-bas, il y a des cris, des pleurs. Là-bas, c'est la joie. Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils partent y reposer et leurs œuvres les. N'as-tu plus le courage de dire amen? La parole reste la vérité. Quel que soit ce que nous affrontons ici-bas, la victoire que Jésus a conquise pour nous, c'est la victoire. Oh Dieu, révèle qu'un jour nous allons quitter cette demeure. Cette demeure, le tabernacle de notre humiliation. Et nous serons changés. Nous allons entrer dans un autre pays où il y a la pureté. C'est réel et c'est vrai. Et lorsque nos pieds fleuront pour la première fois au pays béni, lorsque les vieux bateaux de Sion sonneront à l'accostage, nous allons descendre en hâte Alors ce sera fini là. La maladie, les infirmités, les afflictions, et tout auront disparu. Croyez-vous ça? Tout sera disparu. La vieillesse, la mort, le chagrin, toutes ces choses naturelles qui ont été produites par la malédiction auront disparu à jamais. Nous serons changés. Nous serons carrément rajeunis. Eh bien, qui sait où se trouve chaque portion du calcium? Et tout ce qui comporte le corps humain. Qui sait où ça s'est trouvé avant que tu formes ce corps? Et tu as cela sous ta garde. Tu peux ramener directement cela par la parole. C'est ce que tu as fait à Abraham. Tu en as simplement créé un par la parole. Le grand Jéhovah, se tenant là, dans la chair humaine, mangeant de la viande de vous, mangeant le pain qu'il avait fait pousser dans le champ, qu'il avait lui-même créé, mangeant du beurre et buvant du lait, il a eu faim dans son corps humain, petit corps humain, une préfiguration du Seigneur Jésus. Combien nous te remercions. Le jour où tu es apparu à Samson, et à sa femme, Jéhovah Dieu, tu es entré directement dans cette flamme de feu, et tu es monté dans la flamme du sacrifice, et apparu à Moïse, et tu lui as tourné le dos, et tu as marché là, et tu l'as laissé te voir. Et il a dit, c'est le dos d'un homme. C'est le même Dieu qui a promis Luc 17, 30. Quand le Fils de l'homme sera révélé, cette écriture est déjà accomplie. Le Fils de l'homme manifesté, révélé aux humains, se fait des cœurs dévoilés, des milliers et des milliers de gens. Dieu confirme la parole. C'est le même Dieu qui changera nos formes. Lorsque Dieu te révèle cela, que tu n'aies plus rien à craindre. Que tu saches que la résurrection des morts est une réalité. Ils sont pour terminer un Corinthiens 15. Nous terminons la lecture en Afrique. Nous avions lu du verset 12 au verset 20. Et nous avions lu jusqu'au verset 19. Et nous rappelons, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais il y a un pays, il y a une cité. Un pays béni. Un pays de bonheur. Êtes-vous là? Il y en a. Et quand le vieux bateau de Sion va sur la mer, il y aura des acclamations. Pour saluer ton entrée dans la gloire. Pour la le ça ne passera pas inaperçu. C'est une célébration dans le gloire. Une grande joie, une grande allégresse. C'est entré là-bas. Avant mon arrivée, l'homme m'a amené à la maison. Dis à tous mes amis que je viendrai aussi. L'homme m'a amené à la maison. Oh, descend, descend, douchari. L'homme m'a amené à la maison. Descend, descend, venez m'amener à la maison. As-tu peur du char? As-tu peur du bateau? Le kubanga, Là, il n'y a pas peur. C'est pour se conduire au repos. À un bonheur éternel. C'est vrai. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. En conclusion, verset 20, maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est le prémisse. Or, les prémices, ce sont les premiers fruits qui atteignent la maturité. Et qui rassurent le propriétaire du champ que le reste de la récolte sera abondant. Apportera la joie. Le reste de la récolte. Tu auras les prémices et tu auras le reste. Tu auras les prémices et tu auras la masse. Les prémices sont échantillons. Et la masse n'est plus réalité. Béni soit le nom du Seigneur. Qui a tracé un plan merveilleux dans lequel tu figures. Maintenant, ce qu'il attend de toi, c'est la foi du cœur. Que tu aies foi dans le Dieu vivant. Que tu aies foi dans ses promesses. Ton courage à toi vienne des promesses de Dieu. Et non pas des biens matériels, des choses visibles, que les humains font ou qu'ils ne font pas. Ton courage doit venir des promesses de Dieu. Que Dieu bénisse ta foi. Lève-nous pour la prière. Je chante un vieux cantique ici. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit. Donne-moi l'ancien évangile. C'est dans quoi seulement numéro 63, 65 et 3. Cantique, la mélodie. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple l'éteigne. Il est si bon pour... Oh oui, donnez-moi... Ça pour les mains. Donnez-moi Oh, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon... Oh oui, donnez-moi... Évangile, donnez-moi Oh, évangile, donnez-moi Évangile, c'est pour moi. Je mets ta fin à tes mensonges, et C'était Ite o inya pendeli on sauveur, j'aime beau parler là, et libéré des sorciers, je m'en irai au l'agneau et la lumière. Ici nous sommes très clairs et nous savons, oui, que ce soleil qui luit sur nous maintenant, se changera en nuage à nos irons. La cité, oh l'agneau. Oh, cette cité, dans la cité, oh l'agneau et la lumière. Agneau, cette cité, il n'y a point de nuit. Consolation existe. Durable, glorieuse, merveilleuse, éternelle même. Dieu la donne. Non, mais nos larmes seront essuyées à jamais. Courage mon frère, courage ma soeur. Courage l'église, regarde la promesse de Dieu. Ton courage vient de la promesse de Dieu. Et regarde pas aux choses passagères qui sont Tout ce que tu vis passera. Il y a de meilleures espérances là-bas. De vraies joies, de vraies expériences encore. Dieu en réserve pour ceux qui les aiment. Courage mon frère. Courage ma soeur, vis dans la lumière. Pratique la parole. Conforme-toi chaque jour. Dieu te récompensera. Et si nous avons toujours des frustrations, et nos espoirs rencontrent les déceptions, et nous pleurons à la joie, et nos larmes seront essuyées à jamais. La cité où l'agneau est la pierre. Un pays béni, un pays de bonheur, il sera beau vivre là-bas. Quand le vieux bateau de Sion t'a cheminé, il descendra en hâte. Il sera pressé d'y entrer. Parce que c'est de leur mieux qu'ici. Encore plus près du Seigneur. Que ceci te soit révélé. Parce que tant que ce n'est pas révélé, tu n'en seras pas convaincu. Tu n'en seras pas non plus concerné. Nous prions que Dieu te révèle cela. Et ton comportement de chaque jour changera. Ta manière de considérer la parole changera. Ta manière de traiter les choses de Dieu changera. Nous prions. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, que nous a parlé et nous avons écouté, nous avons dit Amen et nous avons aimé la vérité, nous avons aimé les séjours de ta maison et le bonheur de ta présence. Ta parole nous a fait du bien. Nous le ressentons. Et quand sortant d'ici, nous avons reçu un plus. Que nous soutiennent à ce voyage. Et tu as donné même la guérison ici. Quand on nous salue, quand tu confirmes ta parole, rassure nos cœurs. Maintenant que chacun s'est adressé à toi, donne à chacun des réponses. Donne encore des réponses. Ajoute encore des réponses. Pour que notre chose soit parfaite. Fais agir l'évangile que nous avons entendu. Pour changer notre comportement. Changer nos caractères. Changer notre tempérament. Changer notre humeur. Changer notre spiritualité. Et notre caractère. Garde tes brebis dans le moment de sortie. Chacun plus humble qu'avant. Au nom de Jésus-Christ le merveilleux. Nous prions ici. Amen. Veuillez vous asseoir. Ok, nous arrivons à la dernière étape de ce service divin. Par la grâce de Dieu. Et nous le glorifions pour ça.